Cette épée recouverte d'un poison mortel. Tu vas mourir dans les 12 heures. 12 heures. 12 heures. 12 heures. 12 heures. 12 heures. 12 heures. 12 heures. 12 heures. Ça va, Kyo? Hé. Hé, hé. Kyo, réveille-toi. Allez. Allez. Allez. Oh. Allez, debout. Hein. Ah. Allez. Allez, pour son cas, t'as lu, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, le combat fut homérique et on n'a pas réussi à sauver Ali. Elle est morte. Morte? Morte? Oui, et ça sera bientôt ton tour. Oh non, ce n'est pas possible! Je suis trop beau, trop jeune pour mourir! Ouais. Les bitomanes ne perdent pas courage. En effet, si je vous rappelle bien, il y a une légende qui stipule qu'il existe quelqu'un qui pourrait te fournir un antidote. Son nom serait le Père Foulas. Alors, cette légende existerait? C'est vrai? On a une chance! Allons vérifier tout de suite, allez, venez! Oui!